dans le petit village de Vinchy au temps des Mérovingiens. Nalindis file la laine aux côtés de Philisandre, la plus talentueuse des tisserandes. Mais lorsqu'un ordre royal exige 50 échevaux de laine bleutée en un temps record, tout semble perdu. Seul, Philisandre n'y arrivera pas. Et si la solution était de partager son secret ? Une belle histoire d'amitié, de savoir-faire et d'entraide. Quand tu entends ce son, il est temps de tourner la page. Le secret de Philisandre. Il était une fois dans le petit village de Vinchy, un village mérovingien au toit de chaume et aux murs de torchis, un village entouré de vignes, de champs de lin, de vertes prairies, où nombre de brebis paissaient tranquilles et sans souci. Un village si calme et si paisible qu'on y entendait de jour comme de nuit, de la rivière Escaut, le doux clapotis. C'est là que vivait depuis 16 années Nalindis, une jeune fille courageuse et estimée, recueillie et adoptée par la brave Philisandre, une habile et très âgée tisserande, qui en plus de lui offrir amour et protection, lui avait transmis de son métier la passion. L'art du fil et du métier à tisser n'avait pour Nalindis plus aucun secret. Chaque fois qu'elle filait, lui revenaient en tête les paroles de cette petite chansonnette que Philisandre lui avait apprise et répétée et que seules les fileuses savaient chanter. Danse, danse les moutons, bas pas la toison, cueille, cueille la saponnière, lave, lave la rivière, garde, garde sur les chardons le rythme de la chanson. File, file au fuseau et ton fil sera le plus Un jour, deux messagers arrivèrent au village, porteurs d'un redoutable message. Ordre par notre roi Clovis est donné à toutes celles dont les noms sont ici rapportés de filer dans les plus brefs délais 50 échevaux de laine de tatte bleutée. Si délai et quantité n'étaient respectés, une amende de 100 deniers sera imposée. À la lecture de ce message royal, Philisandre se sentit mal. Jamais. Je ne parviendrai à filer ce qui m'est demandé. Je suis vieille, fatiguée et ne possède pas d'argent pour amende imposée. Ma chère Philly, ne te tourmente pas. Ces 50 échevaux au roi attendent, tu remettras. Car une solution, nous allons trouver. Tous les villageois et moi, nous allons t'aider. Le soir même, Nalindis organisa une veillée à laquelle furent conviés le forgeron et sa maisonnée, le potier, le tanneur et le bourrelier, la boulangère et son mari le meunier, le charpentier et les paysans, les bergers et leurs enfants. Tous les villageois, du plus petit au plus grand, acceptèrent son invitation avec empressement. Quand tous furent installés, le tanneur parla le premier. Philisandre, tu as toujours été si bonne avec chacun d'entre nous. Mais pour ce qui est de filer, tu sais bien qu'on n'y connaît rien du tout. Ce qui nous manque, ce n'est ni le courage, ni la bonne volonté. Dis-nous ce que nous pouvons faire pour t'aider. Si Nalindis et moi vous chantons la chanson, chacun saura de quelle façon il peut apporter sa contribution. Tons, tons, les moutons, trompe. J'aiguise immédiatement les forces. Clame le forgeron. Papa, la toison. On part chercher des bâtons, s'écrièrent les garçons. Cueille, cueille la saponnière. So, dit le meunier. Je peux le faire. Lave, lave la rivière. Oh, ce travail est pour moi, déclare la boulangère. Garde, garde sur les chars dans le rythme de la chanson. Ce travail, nous le ferons, affirment les paysans. Tant de cardes poussent en bordure de nos champs. Tintin au plantain d'Orial, guette garant sous noix de cave. Pour le bleu, la guette est primordiale, dirent les bergers. Et nous en connaissons le lieu de cueillette idéal. File, file au fuseau et ton fils sera le plus court. Fusailleur en argile et tige en roseau, dirent les femmes. Voilà ce qu'il nous faut. Et le potier répondit aussitôt. Je vous les prépare au plus tôt. Le lendemain, au premier rayon du soleil, après une bonne nuit de sommeil, tout le village se mit à l'ouvrage. Tonte, battage, lavage, cardage, peinture et filage. Les 50 échevaux par le roi imposés furent juste à temps livrés. Tous les villageois étaient ravis, ils avaient relevé le défi. Mon histoire aurait pu s'arrêter là, mais voilà ce qui arriva. Clovis, devant ce fil d'une exceptionnelle qualité, voulut de sa fabrication en connaître le secret. Il fit venir les deux messagers qui avaient voyagé de contrée en contrée. Peut-être ces derniers avaient-ils surpris quelque sort ou quelque magie chez les habiles fileuses de Vinci. Nenni, mon bon roi, rien de tout cela. Juste une chanson que fileuses et tâcherons font donner à l'unisson et qui disait, de ce que nous nous souvenons, 3, 4. Tonne les moutons, saute sur la toison. Cueille, cueille la fume terre, lave, lave dans l'eau coupie. Carde, carde sur des antilles au rythme de la chanson. Tintin en bleu ou en marron, avec des plantes et des champignons. File, file au pipeau et ton fil sera le plus beau. Clovis, doutant du bien fondé d'un tel procédé, fit venir à lui ses conseillers. N'accorde aucune valeur aux propos de ces deux idiots, qui ont sans doute du vin de Vinci, abusé un peu trop. Et pourquoi ainsi à vouloir percer ce secret qui dans ce petit village semble si bien gardé? Pourquoi chercher à percer un mystère quand il vous suffit de payer celle qui en le savoir-faire? Le roi remit alors à Philisandre une somme d'argent rondelette qui ne lui fit en rien tourner la tête. Car elle savait que la vraie richesse ne se mesure ni en lingots ni en pièces. Elle savait posséder le plus grand des trésors, un trésor bien plus précieux que l'or. Une fille aimante et dévouée, des fidèles amis toujours prêts à l'aider et un inestimable savoir-faire, dont elle était certes très fière, mais qu'elle se promettait de partager avec celles et ceux qui voulaient apprendre à filer. Toi qui lis ce livre aujourd'hui, à Philisandre et Nalindis, tu peux dire merci, car au fil de ces pages, elles t'ont transmis un très bel héritage, le secret et l'art du filage.